justement, sur la place Saint-Vincent, en face de moi, il y a le Seigneur. Le Seigneur et ses leçons, et cette pauvre bande de cons qui essaie de les apprendre par cœur. Je ne vois vraiment pas de vie dans cette prétendue philosophie. Mais s'ils y trouvent de la lumière, qu'ils continuent leur prière. En face de moi au premier, devant son poste de télé, une vieille dame ferait presque peur. Elle s'agite et gesticule en des gestes ridicules, on dirait un babouin en chaleur. Et je crois que cette mamie pourrait vraiment être mon amie. Elle me montrerait son frère, me dirait qu'il est mort à la guerre. Entre l'église et la vieille, quand il y a un peu de soleil, s'amène une bande de skateurs. Il y a au moins trois caméras, et le film tu le verras sur YouTube dans une demi-heure. Je dois bien dire que je les envie, leurs spectatrices sont vraiment jolies. Mais quand je corrige les valves d'hier, j'ai envie de leur botter le derrière. S'est volé, l'église a cessé de sonner, les jeunes bossent sur leur ordinateur. Il y a de la musique par ici, alors je m'assois et prends un demi. La solitude, moi je préfère, ils auraient fait que me pomper l'air.